le monde des petits. Asphalte, remercie le reste de ton équipe. Tasco, FLO, Sam et JLJ. Velcro, la sphère haute Normandie. Rouen, Paris, 1h de train, 14h10. Les gars sont passionnés de zig, me glisse, j'ai pas de neige. Tu seras surpris de voir que dans le 7-6, c'est la même. On est des milliers dans un milieu payé. Oh, je vais kicker speed tant qu'il est chaud. Le monde est petit, il faut que je passe voir Eddie et son pote AGV. Yeah, et puis je grandis avec les mêmes préférences et les mêmes références. Les perspectives changent, mais les routes se croisent. Le monde est petit, mais j'ai besoin de très peu de place. Donc ça tombe bien. Donc ça tombe bien. Le monde est petit, comme la vie est courte. Il faut qu'on profite quand se croisent les routes et pas qu'on se marche dessus. Mais qu'on roule ensemble, JL fait tourner le son et qu'on le fume ensemble. Et c'était écrit bien avant ces mots. Et je l'avais prédit bien assez tôt. Le hasard fait bien les choses, non le hasard n'existe pas. Gars regarde comme le monde est au point mille. Une fois de plus ça se fasse que t'es au point mille. Une fois de plus ça se fasse que t'es au point mille. Une fois de plus ça se fasse. T'es au point mille, une fois de plus asphalte. Check, je connais un mec qui connaît une meuf, qui connaît un gars, qui connaît une go, qui te connaît. Check, je connais un mec qui connaît une meuf, qui connaît un gars, qui connaît une go, qui te connaît. Yeah. Retour en arrière, quand on pensait pas encore à nos carrières. Quand j'ai croisé oncle Sam pour la première fois, je lâchais mes premiers vers, faisais mes premiers pas. Dans ce petit monde, avec de grosses vibes qui passent par de petites ondes, où les connexions se font en quelques secondes, quand on a l'impression de se connaître et c'est ça qui est bon. Non, y'a pas de mystère, j'avais déjà croisé Tasco chez le disquaire. Joué au basketball avec JL, écoutez Battle Mode, cliquez Velcro sur mixtape. C'est pas le moment de lâcher le truc, j'ai découvert pas de blême et le délire tue. Hey yo, dis-moi ce que tu aimes, maintenant tu sais, MIL et Asphalt, on est connecté. Le monde est petit comme la vie est courte. Il faut qu'on profite quand se croisent les routes et pas qu'on se marche dessus. Mais qu'on roule ensemble, JL fait tourner le son, qu'on le fume ensemble. C'était écrit bien avant ces mots. Et je l'avais prédit bien assez tôt. Le hasard fait bien les choses, non le hasard n'existe pas. Car regarde comme le monde est au point mille. Une fois de plus ça se fasse que t'es au point mille. Une fois de plus ça se fasse que t'es au point mille. Une fois de plus ça se fasse que t'es au point mille. Une fois de plus ça se fasse. Check, je connais un mec qui connaît une meuf, qui connaît un gars, qui connaît une go, qui te connaît. Check, je connais un mec qui connaît une meuf, qui connaît un gars, qui connaît une go, qui connaît. Radio. La sphère. Non.